afișei, pentru ziua mare. Nu se mă să zată, se cari și-o nălă. Și pala în zoe, de le moze de mele. Și răua de la pist, și-a mi enălis. Le pico la poison, mai ne touche pas le pont. Je dévote à toison, tu m'as à la maison. Eh ouais, c'est ça. C'est comme fantasme discotique, ce n'est pas érétique. Le sexe le samedi, c'est toujours samedi. Mais Coco Robino, ça c'est un plein show. Transporté par les vaisses, mon courroie se laisse. Si la garde tu baisses, je me rue de jeune. Ma doudou tu gémis, tu viens de découvrir ton mi. On t'avait prévenu, ne fais pas le génie. Oh chéri chéri, tu seras mon caprice. Oh baby baby, tu seras mon délice. Caprice c'est pas fini, je t'ai pas tout appris. Discount, Tommy, tu te fais un petit. Hey, c'est ça. C'est comme ça. Fantasme discotique, je n'ai pas hérité. Le sexe de samedi, c'est déjà ça la petite. Mais Coco Domino, ça c'est un grand show. Fantasme discotique, ce n'est pas hérétique. Le sexe le samedi, c'est déjà ça petit. Le Coco Domino, ça c'est un grand show. Le Coco Domino, il te retourne le cerveau.